إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. On se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le cours numéro 25. On est toujours dans l'explication simplifiée de Juz'amma. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en sommes arrivés à Sourate Al-Qadr. Sourate Al-Qadr. Naam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, donc c'est une sourate mécoise, hijrienne. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici le moment où est descendu le noble Coran et nous montre le mérite et la grâce du Coran et son rang élevé. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Nous ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et c'est une nuit bénie. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Et cette nuit bénie est la nuit d'Al-Qadr. Elle se trouve pendant Ramadan. Car le Coran est descendu pendant le mois de Ramadan. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, verset 185, la traduction approximative, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Naam. Ce que disent les savants de la sunna et du consensus, ils disent que le Coran, il est descendu en entier pendant le mois de Ramadan. Il est descendu en entier, en une seule fois, de la tablette gardée. De la tablette gardée. L'allahu, al-lawhu, al-mahfouz. D'accord ? Je viens vers le ciel le plus bas. Hein, la nuit d'Al-Qadr. D'accord ? La nuit de Al-Qadr. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui l'a transmis à sa communauté. Et cela durant les 23 années de la prophétie, progressivement, selon les situations. Donc il est descendu en entier, en une seule fois, le Coran, pendant Laylatul Qadr, pendant le Ramadan. Et ensuite, progressivement, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu selon les situations. Pendant 23 ans de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par cette nuit d'Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à ses serviteurs. D'une miséricorde dont les serviteurs ne peuvent être reconnaissants. Et cette nuit, elle a été appelée Laylatul Qadr. Pourquoi ? Pour son immense valeur. Pour son immense valeur. Ce qu'on appelle Al-Qadr en arabe. C'est la valeur d'une chose. Et pour son mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a été aussi appelée Al-Qadr. Parce qu'Al-Qadr aussi, ils ne traduisent pas. Des fois, c'est pour ça qu'on dit la nuit du destin. Mais pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette nuit, il a prédestiné. Il prédestine les œuvres de l'année. Les œuvres de l'année, parmi celles Parmi celles-ci, hein, la mort, la vie, la subsistance, la maladie, la santé, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il immensifie la grandeur et l'importance de cette nuit. Il dit « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ » Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? C'est-à-dire sa valeur et sa noblesse est immense et importante. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il montre cela en disant « Laylatul qadri khayrum min alfi shahar » Donc la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire qu'elle équivaut dans le mérite à 1000 mois. Subhanallah, un acte qui est accompli cette nuit-là est meilleur qu'un acte accompli pendant 1000 mois. C'est-à-dire ces 1000 mois qui ne contient pas bien sûr la nuit d'Al-Qadr. Et ceci prouve son mérite. Ceci prouve son mérite. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée, comme on a dit, hein, la nuit d'Al-Qadr. Et la nuit aussi Mubarak, c'est-à-dire béni, Mubaraka. Hein, et ceci laisse perplexe et stupéfait les raisons. 1000 mois, imagine-toi, c'est-à-dire, comme disent les savants, 83 ans, hein, et 3 ou 4 mois, à peu près, la vie d'un homme. La vie d'un homme qui a bien vécu, qui a vécu longtemps, subhanallah. Donc ceci est une immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et c'est pour cela qu'il, est important de, hein, de la rechercher pendant les 10 dernières nuits de Ramadan et s'efforcer dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans les invocations et d'autres œuvres pieuses. Donc cette nuit d'Al-Qadr, hein, elle est meilleure, hein, dans le mérite que 1000 mois. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il continue en citant son mérite. Il dit تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Hein, les anges ils descendent peu à peu, petit à petit ils descendent jusqu'à remplir la terre, subhanallah. Donc les anges, comme vous le savez, sont les habitants des 7 cieux. Et la nuit d'Al-Qadr, ils descendent pour assister aux œuvres des musulmans. Quel mérite, subhanallah. Et leur descente est un signe de la miséricorde, et du bien et de la bénédiction. Hein? Et donc leur descente, et ils se multiplient cette nuit bénie. Laylatul Qadr. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'esprit. Ici c'est Jibril alayhi salam. C'est Jibril alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité de façon spécifique. Hein, alors qu'auparavant, il avait cité de façon générale les anges. Et ensuite, il a spécifié. Hein, pourquoi ? Pour le mérite de Jibril alayhi salam, pour sa noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci prouve son immensité, hein, de cet ange. Et qu'il est le chef des anges. Comme on l'avait vu auparavant. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Naam. Par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Naam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Hein, toute cette nuit, hein, la nuit d'Al-Qadr, hein, elle est paix et salut. C'est-à-dire qu'elle est sainte de tout mal. Hein, il n'y a pas de mal cette nuit-là. Mais que du bien et que de la bénédiction. Hein, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Hein, la nuit d'Al-Qadr, elle commence au coucher du soleil et se termine à l'apparition de l'aube. Naam. Donc voici, à titre de résumé, l'explication de cette grande sourate. Naam. On enchaîne tout de suite, inshallah ou ta'ala, sur la sourate qui vient juste après. C'est sourate al-bayyina. Sourate al-bayyina, la preuve. Et c'est une sourate qui est médinoise. Qui est médinoise. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans la traduction approximative dans le premier verset, les infidèles, les mécréants, c'est-à-dire, parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur parvienne ou jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. C'est-à-dire les mécréants parmi les gens du livre. Et les gens du livre, c'est qui? C'est les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Ainsi que les associateurs parmi toutes les catégories des communautés. Les associateurs, que ce soit les adorateurs d'idoles, des statues, des adorateurs du feu, etc. Tous les associateurs ne cesseront pas de mécroire, c'est-à-dire ne délaisseront pas et ne cesseront pas d'être dans leur mécréance et dans leur égarement dans lequel ils sont. Et les années passent, ou les années qui passent ne font qu'augmenter leur mécréance jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. C'est la preuve claire, la preuve, l'argument incontestable, jusqu'à ce que leur vienne la révélation qui leur montre et distingue la vérité du faux. Et comme on va voir, c'est le noble Coran, c'est-à-dire aussi la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la preuve évidente, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala explique ensuite ce qu'est la preuve évidente. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. Un messager de la part d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam afin d'appeler les gens à la vérité. Allah a descendu un livre, le Coran, sur le messager qu'il leur récite afin d'enseigner aux gens la sagesse et afin de les purifier de la mécréance et de l'association, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Suhufan mutahara, qui leur récite des feuilles purifiées, c'est-à-dire préservées, protégées de l'approche des diables. Des feuilles qui sont touchées seulement par les purifiés, car ce sont les paroles les plus élevées. Comme on avait vu auparavant, ce qui concerne le Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha kutubun qayyima, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. C'est-à-dire dans lesquelles ces feuilles, ou dans ces feuilles, il y a des prescriptions d'une rectitude parfaite, c'est-à-dire des informations véridiques et des ordres justes qui guident vers la vérité et le droit chemin. Et lorsque la preuve leur arrive, à ce moment-là se distingue celui qui recherche la vérité de celui qui ne la recherche pas. Sur preuve périt celui qui devait périr, et vit sur preuve celui qui devait vivre. Donc, et si les gens du livre ne croient pas à ce messager et qu'ils lui obéissent, qu'ils ne croient pas à ce messager et qu'ils ne lui obéissent pas, ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une chose nouvelle. Leur égarement et leur refus et leur entêtement n'est pas une chose nouvelle. Car ils se sont divisés et ont divergé. C'est pour ça là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans le verset وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, dans la traduction approximative, et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Naam. Donc une preuve. Donc ils se sont divisés et ont divergé et se sont séparés en groupe après que la preuve leur soit parvenue, leur fut parvenue. Une preuve qui quoi? Qui oblige à celui qui la suit normalement l'union et la coalition. Mais par leur mauvaise personne, leur lâcheté, leur orgueil, etc., la guidée n'a fait qu'augmenter leur égarement. Et la clairvoyance n'a fait qu'augmenter leur aveuglement, malgré que certes, tous les livres sont venus avec une seule base. Tous les livres qui ont été descendus avant le Coran, ils sont venus avec une seule base, un seul fondement et une seule religion. Que ce soit dans la Torah ou l'Évangile. Et les autres livres. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite وَمَا أُمِرُوا. Quelle est cette religion? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Quel est ce fondement, cette base, cette religion? Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Hein, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en désirant, en voulant, en recherchant dans toute leur adoration, qu'il soit apparente ou intérieure, uniquement la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et uniquement afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un culte exclusif, hunafa, c'est-à-dire en se détournant de toutes les autres religions qui contredisent la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se détourner de toute forme d'association et de mécréance pour aller vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, hunafa. Naam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. C'est-à-dire, donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la prière et la zakat de façon spécifique ici. Malgré que les deux adorations, c'est-à-dire la prière et la zakat, elle rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'adorer Allah lui vend un culte exclusif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés ici pour leur mérite et leur noblesse. Hein? Et que celui qui les accomplit a certes accompli toutes les législations de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذَلِكَ دِينُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et voilà la religion de droiture. Et voilà, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité et la sincérité dans la religion. Cette religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite, celle qui amène au paradis. Et toutes les voies en dehors de celle-là sont des voies qui amènent en enfer. Allah nous en préserve. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, en nous informant. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant la rétribution des mécréants après que la preuve leur est parvenu, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Allah dit les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ce sont eux les pires. Hein, c'est-à-dire les infidèles, donc les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer. C'est-à-dire le châtiment de l'enfer les cernera de toutes parts et la punition sera extrêmement intense. Ils y resteront éternellement. Ils y resteront éternellement au châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu pour eux. Où ils seront en désespoir. Hein? De toute la création, ce sont les pires. Car ils ont connu la vérité et ils l'ont délaissée. Et ils ont perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Naam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la rétribution de ceux qui ont cru et ont œuvré. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Naam, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur, avec les actes, avec les paroles, hein, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont cru en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala lui vont un culte exclusif et accomplissent les bonnes œuvres. Ici, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Ce ne sont pas toutes les œuvres qui sont acceptées, comme on avait vu. Parce qu'il y a deux conditions qui doivent être réunies pour que l'œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné. La sincérité et le suivi du prophète. Ce sont là les bonnes œuvres. Ceux qui ont accompli la prière et se sont acquittés de la zakat. Ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a ordonné et interdit, ce sont les meilleurs de toute la création, contrairement aux mécréants. ce sont les meilleurs de toute la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite montre la récompense des croyants. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Naam, la récompense, leur récompense auprès d'Allah, c'est-à-dire le jour du jugement, sera les jardins de séjour. Les jardins de séjour. Subhanallah. Il n'y a pas qu'un seul jardin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, les jardins, des jardins, beaucoup de jardins, où ils résideront éternellement. Pas de voyage, ni de départ, pas de sortie, mais ils resteront éternellement. Les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Des fleuves délicieux qu'ils pourront boire à leur guise, comme on avait vu dans les ahadiths, des mers, yani des mers de lait, des mers d'eau, des mers de miel, de vin. Subhanallah, yani des fleuves du paradis qui jaillissent sous des montagnes de musc. Pour y demeurer éternellement, rien ne les atteindra. Pas de maladie, ni de vieillesse, ni de peur. Ils ne mourront pas. Pas de tristesse, mais au contraire, ils seront dans la joie éternelle. Comme il est venu dans le hadith, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un crieur va appeler. C'est-à-dire lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, un crieur va appeler. Certes, vous serez en bonne santé et ne tomberez jamais malade. Certes, vous allez vivre et ne mourrez jamais. Certes, vous serez jeune et ne vieillirez jamais. Certes, vous allez être comblé de bienfaits et jamais un mal ne vous touchera. Et ceci est la parole d'Allah, la traduction approximative, et ils seront appelés « Voici le paradis duquel vous héritez en récompense des œuvres que vous avez accomplies. » Allah les agrée. Et ceci est le plus immense. C'est plus immense que le paradis. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. Comme il est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate le repentir. Telle est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense est encore plus grande. La récompense, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, est encore plus immense que ce paradis. Et comme on avait vu aussi, la plus grande récompense, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le voir comme si tu voyais la lune, Laylat al-Badr, la pleine lune. Naam. Et il l'agrée. Naam, il l'agrée de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné à fait. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur, c'est-à-dire celui qui craint son Seigneur comme il se doit d'être craint. Naam, donc le paradis c'est pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait défini c'est quoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises. Naam, ainsi se termine cette sourate Al-Bayyina. Alhamdulillah. On va finir inshallah ta'ala sur sourate Al-Zalzala, sourate qui vient juste après sourate Al-Zalzala, la secousse. Là, la secousse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala informe dans cette sourate, dans cette grande sourate, ce qui va arriver à cette terre dans laquelle nous vivons, après qu'elle a été calme, stable, fixe, solide. Les créatures, ils vivent sur la terre, mais il viendra un jour où elle tremblera, elle bougera et sera instable. Et cela le jour de l'heure, le jour de la résurrection. Hein? Et ce sera la fin de cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans la traduction approximative, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, c'est-à-dire quand la terre sera secouée, elle bougera, elle sera instable, toute la terre, elle tremblera. Ce n'est pas une partie comme on voit dans cette dunya quand il y a des tremblements de terre, hein, à certains endroits, et c'est un moment qui est très court. Non, ici c'est toute la terre qui va trembler. Mais malgré cela, quand il y a des tremblements dans cette dunya, hein, au jour d'aujourd'hui, tu vois la frayeur des gens. Comment ils ont peur. Alors imagine-toi, subhanallah, ce jour-là, quand la terre en entière, elle va trembler. Comment sera l'affaire lorsque toute la terre tremblera? L'affaire sera intense. Toutes les constructions vont s'écrouler. Plus rien. Les montagnes seront détruites. La terre sera aplanie. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative, ô homme, dans surat al-Hajj, le pèlerinage, ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle a allaité ou ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Fin du verset. Imagine-toi, subhanallah, ce jour-là. C'est là qu'on voit, yani, tellement que ça sera dur, effrayant, les gens ils vont se demander, yani, comme on va voir après. Et même Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset, le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Wa akhrajatil ardu athqalaha, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que la terre fera sortir ce qu'elle a à l'intérieur, parmi les morts et les trésors, tout ce qui se trouve en dessous. Toutes ces choses qui alourdissaient la terre, c'est-à-dire les fardeaux, hein, par la quantité énorme, elles sortiront. Et cela quand on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau. Et les voilà debout à regarder. Ils sortiront de leur tombe et se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle, hein, que l'homme, c'est-à-dire l'être humain ici, lorsqu'il verra la terre dénuée de toute chose, il dira en trouvant, yani, l'affaire immense, terrible, qu'a-t-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelle est la cause de tout cela? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle contera son histoire. Ce jour-là, la terre parlera. Elle parlera. Car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Toute chose peut parler si Allah le veut. Donc ce jour-là, elle contera son histoire. Elle parlera. Elle témoignera contre ceux qui ont œuvré sur sa surface. Que ce soit le bien ou le mal. Elle informera de cela, car la terre fait partie des témoins qui témoigneront contre les serviteurs, selon dans ce qu'ils ont œuvré. Et la cause, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ensuite, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnera d'informer de ce qu'on a œuvré sur elle. Il lui ordonnera de témoigner contre les gens dans ce qu'ils ont œuvré comme bien ou mal. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite la situation des gens ce jour-là et qu'ils se sépareront en deux catégories. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ إِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتَ لِيُرَوْ أَعْمَالَهُ. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Hein, ce jour-là, les gens sortiront de la station, le jour 2, dans la terre du rassemblement. Lorsqu'Allah jugera entre eux, les gens sortiront séparément, c'est-à-dire des groupes distincts, différents. Ils seront séparés. Pourquoi ? Pour que leur soient montrées leurs œuvres. C'est-à-dire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montre ce qu'ils ont fait comme bonne action et mauvaise action. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. On va voir ici c'est quoi, pourquoi ils ont traduit par un atome ici. Nous on va voir, Inch'Allah ou Ta'ala, la parole des savants par rapport à ça. Donc les savants ils disent dans l'explication de ces deux versets, ceci est général. Cela comprend tous les biens et tous les mal. Le moindre bien et le moindre mal. Quiconque fait un bien ou un mal qui a le poids de quoi ? Eux, ils ont traduit par un atome. Mais Cheikh Al-Uthaymin, il dit dans l'explication, hein, et parmi les autres savants aussi, ils disent ici, c'est que en vérité, ce qu'on appelle dharra, hein, c'est la fourmi. La fourmi la plus petite. Hein, la fourmi, cette créature toute, yani, toute petite, hein, insignifiable. Tu la vois des fois, tu la vois à peine. Donc le poids de la plus petite fourmi qui existe, hein, on le verra. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, rien ne sera négligé. Que ce soit le bien ou le mal. Tout est inscrit comme on l'avait vu. Chaque âme verra ce qu'elle aura fait, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait, avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Subhanallah. Ah. Donc dans ces versets, dans ces deux versets, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ici, ils disent les savants, comme dit Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il y a dans ces versets un encouragement. Une incitation, ces versets, ils viennent te faire désirer ardemment de faire le bien. Même s'il est très peu, le moindre bien, tu dois l'accomplir. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith de Adi ibn Hatim, qu'Allah l'agré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, alors, avec une bonne parole. Avec une bonne parole. Et dans l'autre version, d'après Aïcha, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Aïcha, protège-toi du feu ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, car certes, elle fait à celui qui a faim ce qu'elle fait à celui qui est assasié. Hein, le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le premier était rapporté par l'imam Al-Bukhari. Naam. Donc il ne faut rien mépriser dans les actions. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprisez rien des bonnes actions, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et aujourd'hui, tu vois, Wallah, très peu. Comme ça a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il rencontrait les gens, il était souriant. Donc on doit suivre. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Et on ne doit pas mépriser la moindre bonne action. Mais ces versets sont aussi une frayeur. Elles te font peur. Hein, c'est une frayeur à faire le mal le plus insignifiant. Le moindre petit mal, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Comme tu méprises, il ne faut pas mépriser les bonnes actions, il ne faut pas aussi mépriser les mauvaises actions. Ne serait-ce qu'une mauvaise action qui pour toi elle est insignifiante, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est grande. Donc faire attention à ça. On doit tirer des leçons de ces versets. Non. Donc toute cette sourate, hein, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde et elle nous fait peur du tremblement de la terre. Mais c'est aussi une incitation à multiplier les bonnes œuvres. C'est un encouragement à faire les bonnes œuvres. Car la moindre œuvre, elle ne sera pas perdue. Même si elle est petite. Non, même le poids d'une petite fourmi. Non. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les gens qui multiplient les bonnes œuvres et qui ne méprisent pas les bonnes actions et qui nous éloignent de tout mal. Naam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin et d'être heureux, que ce soit dans cette dunya et dans la vie d'ici-bas. Amin. Ainsi se termine surat Al-Zalzala. Donc comme on a dit, Inch'Allah ta'ala, on a résumé, car le temps est court, Inch'Allah ta'ala. Demain, bi'idhnillahi ta'ala, on continue avec surat Al-Adiyat, avec surat Al-Qari'a, etc. Al-Takathur. Inch'Allah ta'ala, Wallahu a'lam, Subhanakallahumma wa bihamdik, Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته